Début d'une semaine en compagnie d'Épicure, ce matin sous le signe du plaisir. Quel est le lien entre le plaisir et le bonheur? Suffit-il de ne plus souffrir pour être heureux? Et plus largement, se faire plaisir, jouir, céder aux joies du corps. Est-ce le chemin le plus sûr vers la tranquillité de l'âme? Autant de questions que vous ne vous êtes jamais peut-être formulées, mais qui pourtant régissent votre vie quotidienne, familiale et sentimentale. Tiens, il y a la frangine. Salut papa. Salut maman. Victor, il faut qu'on se parle. Quoi? Victor, ta mère a un amant. Hein? Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui. Hein? À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle. Voilà. Et papa reste tout seul. Maman, t'es complètement dingue ou quoi? Et où tu vas aller? Et papa et moi? J'ai des problèmes, moi. Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je n'en ai vraiment rien à foutre. Mais je rêve. Ma parole, je rêve. Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. Alors maintenant, je prends ma retraite. C'est dégueulasse. Enfin, maman, c'est une passade. Il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer. Mais petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. C'est pas une histoire d'amour. Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Ça t'intéresse pas, toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés, tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'était drôlement chouette le cul avec votre père. Mais voilà, que vous voulez, maintenant, il se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même. Puis il y a autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis russe. Je nage dans le bonheur. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. La mère de famille dans le film La crise de Colin Serrault qui décide de s'occuper de son corps et de son cul et d'y prendre du plaisir est-elle ce qu'on appelle une épicurienne? C'est plutôt ce qu'on appelle un être humain, c'est-à-dire un animal d'abord. Parce qu'Épicure vous dirait que s'occuper des plaisirs de son corps et fuir les souffrances de son corps, c'est pas le bien, le propre exclusif des épicuriens, ni même seulement des êtres humains, c'est le propre de tout animal, tout être vivant et sensible, c'est-à-dire tout animal. Mais effectivement, c'est l'une des façons d'être épicurien. Alors, il faudrait ajouter que pour Épicure, le plaisir qui sert de modèle, c'est moins le plaisir du cul, pour reprendre votre expression et celle du film, que le plaisir du ventre. Peut-être pour une raison, d'abord parce que il est plus déterminant pour la vie d'avoir à manger que d'avoir à faire l'amour. Autrement dit, manger était un plaisir naturel et nécessaire, dans le langage d'Épicure. Faire l'amour était un plaisir naturel, mais non nécessaire. On ne meurt pas de chasteté, on peut mourir de faim. Et donc, le concept, le plaisir essentiel pour Épicure, c'est celui du ventre. Mais bien sûr, il n'a rien contre les plaisirs sexuels, bien au contraire, à condition qu'on n'en devienne pas esclave et surtout à condition qu'on ne tombe pas dans la passion amoureuse. Il mieux vaut jouir sereinement et donc sans être vraiment amoureux qu'être prisonnier de la passion. C'est ce que Lucrèce appellera 3 siècles plus tard le pur plaisir. C'est toute la question de savoir de quelle mesure Épicure fait reposer sa réflexion et sa philosophie sur l'importance accordée au plaisir. Parce que même dans ce tout début de discussion que nous sommes en train d'avoir, il faut distinguer le désir du besoin, du plaisir. Le désir sexuel n'est pas forcément le plaisir sexuel et le besoin de se nourrir n'est pas identique au besoin peut-être de faire l'amour qui serait le plus du côté du désir. Comment est-ce qu'on distingue ces termes-là? Vous avez raison, il ne faut surtout pas confondre le désir et le plaisir. D'abord parce qu'il n'y a pas de mauvais plaisir. Hein, tout plaisir en lui-même est bon, comme toute souffrance pour en Épicure. Elle-même est mauvaise. Pour Épicure. Comme pour Spinoza, beaucoup plus tard, 20 siècles plus tard, toute joie est bonne, toute tristesse est mauvaise. Alors que tout désir n'est pas bon. Il y a de bons désirs, il y a de mauvais désirs. Et donc la classification qu'on trouve dans la lettre à Ménécée, le grand petit texte, hein, grand parce que c'est génial, petit parce que c'est 5 ou 6 pages ouais. Selon les éditions, ce qu'on trouve dans la lettre à Ménécée, ça n'est pas une classification des plaisirs, ils sont tous bons. C'est une classification des désirs. Alors, en redisant l'essentiel en quelques mots de cette classification, Épicure classe les désirs selon le fait qu'ils sont naturels ou non naturels, nécessaires ou non nécessaires. Il y a donc, pour commencer, des désirs naturels et nécessaires. Manger, boire. Si on ne mange pas, si on ne boit pas, on meurt. Il y a des désirs naturels et non nécessaires. Faire l'amour, c'est parfaitement naturel, ça n'est pas nécessaire. Si on ne fait pas l'amour, on ne meurt pas. Mais ça reste des désirs tout à fait légitimes. Et puis, il y a des désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, qui sont de mauvais désirs, parce qu'ils ne peuvent jamais être satisfaits. Alors, Épicure donne trois exemples. Le désir de pouvoir, l'ambition, le désir de gloire, le désir de richesse. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui est cupide, qui aime la richesse, vous dire « j'ai assez d'argent ». Ils en veulent toujours plus. Et donc, il peut être milliardaire et manquer encore d'argent. De même que l'homme politique qui veut le pouvoir, il en veut toujours plus. De même que l'écrivain qui veut la gloire en veut toujours plus. Or, pour Épicure, un désir qui ne peut jamais être satisfait, au sens étymologique du mot « satis » en latin, ça veut dire « assez », un désir tel que on n'en aura jamais assez, c'est exactement un mauvais désir. Et il faut donc refuser ces désirs-là, désir de pouvoir, désir de richesse, désir de gloire, et se contenter des désirs naturels et nécessaires, et aussi des désirs naturels et non nécessaires, à condition de ne pas en devenir esclave. Oui, mais c'est le propre du désir que de n'être jamais complètement satisfait. Eh bien, écoutez, il suffit de manger à sa faim pour comprendre, c'est ce que vous direz Épicure, que vous avez tort. Autrement dit, la satiété fait partie de l'expérience alimentaire. La période de latence, comme disent les sexologues, fait partie de l'expérience sexuelle, en tout cas masculine. C'est-à-dire qu'après l'orgasme, l'homme, en gros, est satisfait. Il en a assez. Mais c'est pour ça pendant qu'il quelques allume heures. Une cigarette. C'est qu'il n'a plus du tout envie de faire l'amour. Mon amie Judith Brousse, que vous connaissez, me disait un jour joliment, les hommes meurent rarement d'amour. Ils s'endorment avant. Eh bien, cet exemple, cette expérience de la satiété que beaucoup d'entre nous vivons dans une forme de tristesse, c'est peut-être ça notre côté insatiable. Quand il n'y a plus de manque, on s'ennuie. On n'est plus chez Épicure, on est chez Schopenhauer, parce que chez Épicure, au contraire, l'expérience du ventre plein, l'expérience de ne plus avoir faim, c'est au contraire le plaisir suprême, ce qu'il appelle le plaisir en repos. Par différence avec le plaisir en mouvement, vous avez faim, c'est une souffrance. Vous mangez pour ne plus avoir faim. Plaisir en mouvement. Mais ce plaisir en mouvement, tant que vous avez encore faim, il est accompagné d'un peu de souffrance, puisqu'il y a encore de la faim. Jusqu'au moment où vous poussez un soupir de satisfaction, vous avez bien mangé, vous n'avez plus faim. Eh bien, ce moment où il n'y a plus de manque, pour Épicure, c'est un moment de plaisir pour le corps, de plaisir pour l'âme, et donc c'est un moment de bonheur. Mais alors, est-ce qu'il faut dire que pour Épicure, le but, c'est d'atteindre le plaisir ou de rechercher le bonheur? Pour employer des termes techniques, est-ce que l'épicurisme est un hédonisme qui tient le plaisir pour le souverain bien ou un eudémonisme qui pose qu'il faut à tout prix rechercher le bonheur? Eh bien, c'est les deux. Moi, dans mon langage, je dis primat du plaisir, primauté du bonheur. Primat du plaisir parce que c'est par là que tout commence, c'est objectivement le plus important. Le plaisir est d'abord le plaisir du corps et même spécialement le plaisir du ventre, comme dit Épicure. Mais primauté du bonheur parce qu'il se trouve que les animaux que nous sommes, nous avons un esprit. Alors, un esprit qui pour Épicure est aussi matériel que tout autre organe, ce sont des atomes évidemment, mais pour Épicure, les plaisirs de l'âme, spécialement la philosophie et l'amitié, sont encore supérieurs aux plaisirs du corps. Et donc ce qu'on peut appeler le bonheur, au fond, c'est le plaisir en repos de l'âme. Son nom grec, c'est ataraxia, ce qui signifie littéralement absence de trouble. Mais attention de ne pas y voir un état purement négatif, comme disent souvent les interprètes, qui du coup tirent un peu Épicure du côté du bouddhisme. Parce que s'il s'agit simplement de ne pas souffrir, à la limite, la mort y parvient fort bien. Non, non. L'absence de trouble, c'est un état positif, c'est négatif dans la forme, ataraxia, le A est privatif, mais dans l'existence, c'est un état positif parce que l'existence elle-même est devenue un plaisir. Au fond, c'est le plaisir de vivre, c'est la joie de vivre sans trouble, c'est-à-dire la joie de vivre sereinement, la sagesse, le bonheur. Parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres sans fondement. Et parmi ceux qui sont naturels, les uns sont nécessaires et les autres naturels seulement. Parmi ceux qui sont nécessaires, les uns sont nécessaires au bonheur, d'autres à l'absence de dysfonctionnement dans les corps et d'autres à la vie elle-même. En effet, une étude rigoureuse des désirs permet de rapporter tout choix et tout refus à la santé du corps et à l'absence de troubles dans l'âme, puisque c'est cela la fin de la vie bienheureuse. C'est en effet en vue de cela que nous faisons tout, afin de ne pas souffrir et de ne pas éprouver de crainte. Mais une fois que cet état s'est réalisé en nous, toute la tempête de l'âme se dissipe, le vivant n'ayant pas besoin de se mettre en marche vers quelque chose qui lui manquerait, ni à rechercher quelque autre chose grâce à laquelle le bien de l'âme et du corps trouverait conjointement sa plénitude. C'est en effet quand nous souffrons de l'absence du plaisir que nous avons besoin du plaisir. Mais quand nous ne souffrons pas, nous n'avons plus besoin du plaisir. Voilà pourquoi nous disons que le plaisir est principe et fin de la vie bienheureuse. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et on parle d'Épicure cette semaine, ce matin, d'Épicure et du plaisir, en compagnie du philosophe André Comte-Sponville. Mozart, que nous sommes en train d'écouter, sera un compositeur épicurien selon vous? C'est le compositeur de la joie, c'est pas pareil, hein? Non, mais surtout, je mets Mozart tellement haut que je crois qu'aucun philosophe n'arrive à sa hauteur. Mais encore une fois, aimer là, c'est rendre hommage à Épicure. Tout être humain est épicurien, c'est-à-dire que... sauf pathologie. Mais si être épicurien, c'est préférer le plaisir à la souffrance, vous voyez, ça n'est pas un choix philosophique, c'est une donnée de la condition humaine. Mais je sais pas, vous le tenez pour évident, mais on est quand même aussi énormément guidé par un instinct de destruction. Certaines personnes semblent tourner le dos systématiquement à ce qui leur fait plaisir, oui. À ce qui peut les rendre heureux. Pulsion de vie, pulsion de mort, dit Freud, sauf que ces deux pulsions, à supposer qu'elles soient deux, en vérité, elles n'en font qu'une, pour Freud, mais à supposer qu'elles soient deux, aucune de ces pulsions n'abolit le principe de plaisir. Parce qu'au fond, on pourrait dire que tout l'épicurisme, dans sa vérité, c'est l'anticipation, mais presque l'énonciation du principe de plaisir selon Freud. C'est-à-dire que tout être vivant et sensible, donc tout animal, tente à jouir le plus possible et à souffrir le moins possible. Est-ce que c'est le cas de Mozart? Bah oui, bien sûr. Est-ce que c'est le cas de Schumann? En apparence, un peu moins, sauf que s'il chante sa souffrance, c'est pour arriver à la supporter. Et donc finalement, c'est malgré tout pour souffrir un peu moins. C'est ce qu'on entend aussi chez Schubert, où les morceaux les plus tristes, les plus déchirants, malgré tout, nous apaisent. Eh bien, apaiser une souffrance en la chantant, c'est encore, ça relève encore du principe de plaisir. Et donc, c'est encore une démarche épicurienne, mais non pas que Schumann ou Mozart aient choisi Épicure. Simplement, il se trouve qu'Épicure dit une vérité essentielle sur l'être humain. Mmh. Et donc, quelques exemples que vous preniez, Mozart, Schubert, Proust ou Paul Valéry, ils sont tous épicuriens en ce sens-là. Et je dirais même que le masochiste l'est aussi, parce que celui qui jouit à se faire mal, ce qu'il cherche, c'est de jouir, évidemment. Et donc, le masochiste n'échappe pas au principe de plaisir, et donc personne n'échappe à l'épicurisme. Et je dirais que de ce point de vue, c'est quand même une très grande force de cette pensée, née il y a 23 siècles, parce qu'il est plus facile d'échapper à Platon ou à Aristote ou même aux stoïciens que d'échapper à Épicure. Justement, est-ce que c'est le premier à dire cela? Alors je rappelle, Épicure naît en 321, il meurt en 270, donc c'est 100 ans après Platon pour faire vite, mais enfin c'est à peu près ça. Et on peut comprendre Épicure comme étant une volonté de dépasser le platonisme, de dépasser l'aristotélisme, ce qu'il dit, l'affirmation de ce que vous appelez le principe de plaisir à la suite de Freud. Est-ce que c'est le premier à affirmer cela dans l'histoire de la philosophie? Non, bien sûr. D'abord, les philosophes ont tous compris qu'il valait mieux jouir que souffrir. Aristote dit joliment que le plaisir, c'est que comme la fleur qui s'ajoute à l'existence. Socrate n'avait rien contre le plaisir, mais les premiers à avoir fait du plaisir le concept peut-être essentiel, c'est ce qu'on appelle les cérénaïques, donc des petits socratiques, parce qu'au fond, toute la philosophie grecque recommence avec Socrate, notamment Aristippe de Cyrène, qui est peut-être le premier philosophe expressément hédoniste, c'est-à-dire qui dit que le plaisir est le souverain bien. Et donc Épicure n'est pas le premier hédoniste, simplement, il est peut-être celui qui va donner à l'hédonisme sa plus grande force, notamment en comprenant quelque chose qui est très important, c'est que si tout plaisir est bon en lui-même, il y a pourtant des plaisirs qu'il faut éviter, qu'il faut refuser. Pourquoi ? Parce qu'ils apportent avec eux davantage de souffrance que de plaisir. Le bon exemple contemporain pour nous, c'est la cigarette. C'est un plaisir de fumer une cigarette et donc en soi-même, c'est bon. Sauf que par les dangers que ça entraîne concernant votre santé, votre inquiétude, etc., vous risquez fort d'avoir plus de soucis et de souffrance du fait d'avoir fumé que de plaisir. Et donc, pour un épicurien, il est raisonnable de ne pas fumer. Vous voyez. Donc, un calcul qui rentre en jeu quand même. Donc, c'est le principe de réalité. Là encore, je dirais, Freud, de ce point de vue, n'a rien inventé. Hein. C'est pas que je veuille faire d'Épicure un psychanalyste, il mérite mieux que ça, mais c'est que les psychanalystes, là-dessus, n'ont pas inventé grand-chose. Et de même qu'il y a des plaisirs qu'il faut éviter, parce qu'ils entraînent plus de souffrance que de plaisir, il y a des douleurs qu'il faut savoir accepter. Par exemple, quand vous allez chez le dentiste, en général, c'est peu agréable, mais vous y allez parce que le petit moment de souffrance ou d'extrême inconfort que vous aurez dans son cabinet vous permet d'éviter des souffrances beaucoup plus grandes plus tard. Et donc, il s'agit de jouir le plus possible, de souffrir le moins possible, principe de plaisir, mais en tenant compte des contraintes du réel et de la durée. Alors que chez Aristippe, l'hédonisme est un peu un hédonisme de l'instant. Il faut jouir tout de suite le plus possible, vivre sans temps mort, comme on disait en 68. Épicure, c'est un hédonisme raisonnable, c'est-à-dire lucide sur les limites du plaisir et sur les limites nécessaires du plaisir. Un désir infini est forcément un désir insatisfait. Et donc, ce qu'Épicure nous apprend, c'est à comprendre la limite des désirs et choisir de préférence les désirs où on peut atteindre cette limite, les désirs qui peuvent être vraiment satisfaits au sens où on peut en avoir vraiment assez. Ça veut dire que la doctrine épicurienne du plaisir est davantage du côté de la modération que de l'excès, parce qu'on a une image de l'épicurisme comme étant celui de l'épicurien comme étant celui qui se baffre dans un banquet et un festin abondant. Au contraire, savoir jouir de ce désir que peut être la faim, c'est aussi comprendre que la satiété peut arriver avec un quignon de pain. Voilà, c'est tout le paradoxe de l'épicurisme. On dit parfois que c'est un hédonisme ascétique. C'est un peu trop dire dans la mesure où l'ascétisme supposerait que la souffrance en elle-même soit bonne. Pas du tout pour Épicure. Simplement, pour jouir le plus possible, il importe de limiter au minimum ses désirs. Par exemple, si vous avez besoin pour avoir plaisir de manger, d'avoir du caviar, des mets très très coûteux, vous risquez fort d'en manquer parfois, parce qu'il faut être riche pour avoir ça. Et puis même si vous n'en manquez pas, vous serez anxieux à l'idée qu'un jour vous pourriez en manquer. Si au contraire votre plaisir c'est de manger du pain, de l'eau, éventuellement un morceau de poisson les bons jours, il y a très peu de chances que vous en soyez privé. Et donc Épicure de ce point de vue est le contraire d'un débauché. Non pas du tout qu'il soit contre la débauche, il le dit expressément. Si les débauchés étaient heureux, il n'y aurait rien à leur reprocher. Mais les débauchés ne sont pas heureux. La chair est triste, j'ai lu tous les livres, dira Mallarmé. Eh bien, pour éviter que la chair soit triste, il faut comprendre la limitation de nos désirs. Celui qui veut jouir sans arrêt, toujours plus, le débauché, le goinfre, le cupide, fait un contresens et sur la vie, et sur le désir, et donc sur le bonheur. Dans quelle mesure Épicure voulait-il faire école ? Parce que vous l'avez dit, reste quelques textes d'Épicure, très peu d'ailleurs, dont le premier, c'est la lettre à Ménécée, qui est beaucoup étudiée, y compris dès la terminale. On connaît aussi d'Épicure ce qu'on appelle le jardin, l'endroit où lui-même siégeait et recevait ses disciples pour en parler. Est-ce que dans ces textes-là, il fut entendre la volonté de peut-être de dépasser la postérité de Platon et d'Aristote, en tout cas de marquer l'histoire de la philosophie et de faire école ? Faire école, assurément. Marquer l'histoire de la philosophie, je ne sais pas. On sait peu de choses de l'homme Épicure. Je dirais que son véritable problème, ce n'est pas Platon ou Aristote. Il a d'ailleurs peu d'estime, pour à tort, parce que c'est son immense génie, mais d'évidence, lui n'accorde pas beaucoup de crédit. Non, son adversaire, c'est la religion. Ou la superstition, selon deux traductions possibles dans le latin de Lucrèce, du mot religio, qui peut signifier et religion et superstition. Autrement dit, ce qu'Épicure va nous montrer, c'est qu'il n'y a rien à craindre des dieux qui ne s'occupent pas de nous. Il n'y a rien à craindre de la mort qui est le néant, et donc avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien, c'est idiot. Donc on peut supporter la douleur et donc on peut atteindre le bonheur, pour reprendre brièvement ce que les épicuriens appellent le tétrapharmakos, c'est-à-dire le remède à quatre ingrédients, ou le quadruple remède, voilà. Oui, pharmakos, remède, tétra, quatre. Voilà, ouais. Il n'y a rien à craindre des dieux, premier remède, il n'y a rien à craindre de la mort, deuxième remède, on peut supporter la douleur, troisième remède, enfin, quatrième remède, on peut atteindre le bonheur. Et pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre qu'il n'y a rien à craindre ni des dieux ni de la mort. Et donc le combat d'Épicure, c'est contre la religion. La religion de l'époque, parce que c'est avant la religion. La religion, non pas qu'il soit athée, il faut préciser ça. Pour lui, les dieux existent, mais comme il est matérialiste et atomiste, les dieux sont aussi matériels que vous et moi, si j'ose dire. Leur corps est composé d'atomes, mais ils ont la chance que les atomes qu'ils perdent, qui s'évacuent de leur corps, sont remplacés immédiatement dans les intermondes par d'autres atomes. Autrement dit, ils ont forme humaine, ils sont matériels comme vous et moi, mais ils ont la chance d'être immortels et d'être bien heureux. Et ils sont tellement heureux qu'ils ne s'occupent absolument pas des êtres humains. Et donc, il est absurde de les prier, il est absurde d'en avoir peur. Et pour la même raison, il n'y a rien à craindre de la mort, puisque la mort, c'est le néant. Et donc, la peur des enfers, qui était très, très prégnante dans l'Antiquité, c'est cette deuxième peur qu'il faut surmonter. Et une fois qu'on a surmonté ces deux peurs, peur des dieux, peur de la mort, on peut entreprendre de profiter le plus sereinement possible, le plus agréablement possible, de cette vie unique qui nous est donnée. Formidable, tout le monde a envie de vivre comme ça, simplement c'est pas possible. Il suffit pas de dire que la peur de la mort est inutile pour ne plus craindre la mort. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inapplicable là dans ce que nous invite Épicure à faire? Il a quand même marqué des points, si j'ose dire, en quelques siècles, concernant la peur de l'enfer. C'est-à-dire, regardez autour de vous, même nos amis chrétiens ne croient même plus à l'enfer. Le christianisme a réussi à évacuer cette idée désagréable, qui est pourtant au cœur du christianisme, mais selon la chanson, nous irons tous au paradis. Mais surtout pour les athées, qui sont quand même de plus en plus nombreux, ça n'est plus de l'enfer que nous avons peur. Alors, il est vrai que nous avons peur du néant. Et au fond, c'est l'objection qu'on peut faire à Épicure, c'est que Épicure nous dit... La mort n'est rien pour nous, puisque tant que nous vivons, la mort n'est pas. Et quand nous serons morts, c'est nous qui ne serons plus. Et donc ma mort et moi, nous ne nous rencontrerons jamais. Et puisque la mort, c'est le néant, avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien. C'est absurde. Évidemment, on a envie de répondre à Épicure, c'est absurde, mais c'est la définition même de l'angoisse. C'est-à-dire l'angoisse, c'est pas la peur de quelque chose, un chien méchant qui me menace, c'est justement la peur de rien, la peur du néant. Et donc, on peut dire qu'Épicure est passé à côté de cette notion d'angoisse. Alors, peut-être parce que c'est une notion moderne, peut-être que les anciens étaient trop confrontés à la souffrance, sans antalgique, sans paracétamol, sans aspirine, sans chirurgien, trop confrontés au danger. La vie du temps d'Épicure est extrêmement dangereuse. C'est la décadence. Enfin, c'est la chute de l'empire d'Alexandre et sa décomposition guerrière, parce que quand les lieutenants d'Alexandre se disputent les morceaux de son empire. Et nous qui vivons dans une espèce de confort où il est très rare qu'on ait vraiment très mal, on a mis des médicaments contre la douleur, où la vie est quand même devenue pour nous le plus souvent très peu dangereuse, on cultive davantage l'angoisse. Donc peut-être que c'est une différence de sensibilité, peut-être aussi que nous n'avons pas pris le temps de méditer assez longuement l'idée que la mort n'est rien. Peut-être que si nous prenions davantage le temps de nous familiariser, de nous apprivoiser, comme dira Montaigne, avec l'idée de la mort, avec l'idée du néant, si on faisait de cette méditation une espèce d'exercice spirituel qui existait, comme vous le savez, dans l'Antiquité, peut-être qu'on finirait par mettre cette angoisse à distance. Vous avez essayé ? Disons qu'elle m'angoisse de moins en moins. C'est vrai. Le fait est, oui. Alors ça, ça n'a jamais marché, en tout cas. Et même, il m'arrive, pour tout vous dire, je dirais pas d'en rêver, mais l'une des phrases que je préfère, c'est une phrase de Voltaire dans une lettre à la marquise du Deffand. Voltaire dit exactement ceci. On aime la vie, mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon. Je trouve cette formule absolument extraordinaire. On aime la vie, de ce point de vue, Voltaire est épicurien, comme vous diriez, mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon. Autrement dit, on peut, par la méditation, par le fait de s'apprivoiser avec cette idée, trouver qu'en effet, ne plus être, j'ai envie de dire, ce n'est pas la mer à boire. Ce qui est paradoxal, parce qu'on peut, là, on peut appliquer à Épicure l'argument dont lui-même, auquel lui-même a recours lorsqu'il dit que la mort n'est rien pour nous, puisque se familiariser avec l'idée du néant, c'est encore partir du principe que nous serons vivants quand nous serons morts, nous pourrons jouir de la mort, en réalité. Non, pas du tout, c'est qu'il n'y aura plus personne pour en souffrir. C'est ça, le, au contraire. Oui, donc c'est la fin de la souffrance. Mais c'est aussi la fin de la conscience. Ce qui se décrira génialement, c'est que les gens qui ont peur de la mort, au fond, ils s'imaginent vivants au bord de leur, de leur tombe. Non, c'est malheureux, je suis mort. Mais non, tu seras plus là. Autrement dit, la mort te guérira de la peur même qu'elle t'inspire. C'est ça la bonne nouvelle d'Épicure. Vous avez raison de dire qu'il ne suffit pas de comprendre ça intellectuellement pour se l'assimiler, mais ça veut dire que l'intelligence n'est pas tout, que la sagesse c'est pas seulement un travail de l'intelligence, c'est aussi un travail de l'esprit, pourrait-on dire, et c'est pourquoi, à la fin de la lettre à Ménécée, Épicure dit expressément, ces choses-là que je t'ai apprises, médite-les jour et nuit, et avec toi et avec tes semblables. Et tu ne seras jamais troublé. Tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. Ce sont les dernières lignes de l'être à Ménécée. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai lu ça à 18, 19 ans, ça m'a bouleversé. Et sans doute, j'y ai un peu trop cru. Et maintenant, si vous me demandez, est-ce que j'y crois toujours? Non, pas comme j'y croyais à 18, 19 ans. D'ailleurs, si je vous disais, je vis comme un dieu parmi les hommes, vous appelleriez plutôt les urgences psychiatriques que vous m'inviteriez à votre émission. Donc oui, bien sûr, c'est une conception outrancière de la sagesse. Et de ce point de vue, Montaigne, qui lui, en quelque chose, est vraiment épicurien, du moins qui lit Épicure, qui lit Lucrèce, qui admire Lucrèce, qui le cite souvent, me paraît rétrospectivement plus lucide qu'Épicure, parce que Montaigne nous prouve que cet idéal de l'ataraxie, l'absence de trouble, la sérénité totale, c'est très beau, c'est très exaltant, mais évidemment c'est inaccessible. D'où la phrase de Montaigne que j'ai souvent citée, j'en ai fait le titre d'un de mes livres, « C'est chose tendre que la vie et aisée à troubler ». Ça n'a l'air de rien, mais c'est la récusation stricte de l'ataraxie, ataraxie épicurienne, l'absence de trouble. Ben, ça n'est pas possible parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Mais de ce point de vue, même si je suis maintenant beaucoup plus proche de Montaigne que d'Épicure, je suis comme Montaigne. Je continue d'admirer Épicure et en quelque chose d'envier sa sagesse. Pour ceux qui sont capables de vivre ça, tant mieux pour eux. Moi, je ne peux pas. Et donc, je me contente de ce que j'appelle une sagesse de second rang, une sagesse à la Montaigne. C'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure pouvait l'être, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse, au moins, de l'accepter. Montaigne, le voici. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Et même quand je me promène solitairement dans un beau verger, si mes pensées se sont occupées de choses étrangères à la promenade pendant quelques parties du temps, une autre partie du temps, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude, et à moi. La nature a maternellement observé ce principe, à savoir que les actions qu'elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent très agréables également, et elle nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par le désir. C'est une injustice de détériorer ces règles. Quand je vois César et Alexandre, au plus épais de leur grande entreprise, jouir si pleinement des plaisirs naturels et par conséquent nécessaires et légitimes, je ne dis pas que ce soit relâcher son âme, je dis que c'est la raidir en subordonnant par vigueur de cœur à la pratique de la vie ordinaire ses occupations violentes et ses pensées laborieuses. Sages, s'ils avaient cru que c'était là leur occupation ordinaire, celle-ci, l'extraordinaire. Nous sommes de grands fous. Il a passé sa vie dans l'oisiveté, disons-nous. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Quoi ? Vous n'avez pas vécu ? De vos occupations, non seulement c'est celle qui est fondamentale, mais celle qui est la plus illustre. Si l'on m'avait mis à même de m'occuper des affaires importantes, j'aurais montré ce que je savais faire. Avez-vous su méditer et prendre en main votre vie? Si vous avez fait cela, vous avez fait l'œuvre la plus grande de toutes. De même que pour Épicure, le bonheur n'est pas simplement dans l'absence de douleur, mais dans le fait de pouvoir jouir de cette absence de douleur, pour Montaigne, finalement, le bonheur est peut-être dans le fait de pouvoir jouir du simple fait d'être en vie. On pourrait le caractériser ainsi, André Comte-Sponville. Oui, c'est l'amour de la vie. Pour moi, donc, j'aime la vie. C'est l'une des dernières phrases des essais de Montaigne. Et voilà, la sagesse de Montaigne, c'est exactement ça. Aimer la vie. et n'ont pas aimé le plaisir, comme Épicure, et n'ont pas aimé le bonheur. La sagesse, c'est pas l'amour du bonheur. On n'a pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. La sagesse, ça n'est même pas l'amour de la sagesse. N'importe quel philosophe en est capable, hein, qui le porte dans son nom, philosophos, celui qui aime la sagesse. Non, mais la sagesse, ça n'est pas l'amour du bonheur, ça n'est pas l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Ou du moins, ça, c'est le message de Montaigne. Voilà. Et c'est pourquoi Montaigne me paraît au total plus vrai, plus humain que l'absolue sagesse, mais que je crois outrancière, exagérée d'Épicure. Et donc, la différence, c'est que Montaigne, lui, il accepte d'avoir mal quand il a mal. Il dit pas, il fait pas semblant d'être à l'abri. Alors, Épicure nous dit, quand t'as mal avec le corps, il suffit de te remémorer de tes plaisirs anciens. Et tu vas contrebalancer la souffrance actuelle de ton corps par le souvenir des jours heureux. Et on a de ça, alors, un témoignage que je trouve en vérité bouleversant, mais un peu suspect malgré tout, dans une lettre à l'un de tes disciples, Idoménée, je crois. Épicure écrit exactement ceci, je cite de mémoire, mais c'est presque mot pour mot ceci. « Je t'écris en ce bienheureux dernier jour de ma vie. Je souffre atrocement. » Et Épicure apparemment souffrait de la même maladie que Montaigne, la maladie de la pierre, les coliques néphrétiques. Donc, je t'écris en ce bienheureux dernier jour de ma vie. Je souffre atrocement, mais je m'épanouis de bonheur au souvenir des conversations que nous avons eues ensemble. Imaginez l'émotion du disciple recevant ça, mais là encore, je vous dirais, comme vous à moi tout à l'heure, essayez. Oui, c'est ça. Quand on souffre atrocement, personne ne peut surmonter cette douleur, alors, sauf capacité mentale peut-être exceptionnelle. Un yogi peut-être, je ne sais quoi, par la simple remémoration des plaisirs passés. Et donc Montaigne, beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble qu'Épicure, ne prétend pas annuler la souffrance quand elle est là. Il la supporte, il faut bien, mais il essaye de la réduire le plus possible et surtout de cultiver le mieux qu'il peut les quelques plaisirs qui lui restent. Mais est-ce que ce n'est pas là qu'il faut distinguer peut-être dans les deux approches, celle d'Épicure et celle de Montaigne, le rôle accordé à la raison ou à la volonté? Parce que c'est pas pareil. Et introduire dans notre discussion, André Comte-Sponville, une école de pensée à laquelle nous n'avons pas encore fait référence, qui est le stoïcisme. Parce que finalement, pour vivre selon les préceptes d'Épicure, il faut quand même non seulement bien se connaître, mais avoir foi en la raison, en la capacité de calcul et d'ordonnancement de la raison, et avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui une volonté de faire, puisque pour dépasser la douleur, il suffirait, dit Épicure, de se remémorer des conversations agréables passées. Montaigne, lui, est plus sceptique, c'est le cas de le dire, et s'il accepte peut-être la vie dans son imperfection, c'est qu'aussi il sait bien que la raison elle-même n'est pas le guide suprême. Qu'en est-il donc pour Épicure? Est-ce qu'on dirait qu'il est du côté des rationalistes, parce que par ailleurs il est matérialiste, ou des volontaristes? Alors, il est assurément matérialiste, je ne dirais pas qu'il est volontariste, parce que ça n'est pas il n'est pas stoïcien. De ce point de vue, on reviendra sur l'opposition entre l'épicurisme et le stoïcisme, mais c'est un rationaliste, et donc c'est un matérialiste rationaliste, mais la plupart des matérialistes en vérité sont rationalistes, au moins au sens où ils pensent que c'est la raison qui libère, hein, et ça sera très net aussi chez son disciple latin Lucrèce. Alors, vous avez raison d'évoquer le stoïcisme, parce que ce sont les deux grandes écoles opposées, enfin, deux des trois grandes écoles de la philosophie dite hellénistique, c'est la philosophie qui commence au moment d'Alexandre le Grand et dans les décennies ou siècles qui suivent, l'épicurisme, le stoïcisme, le scepticisme. Et effectivement, Montaigne est sceptique, alors que Épicure, comme les stoïciens, est dogmatique. Dogmatique au sens technique du terme, il pense qu'on peut démontrer des vérités absolument certaines. Et en l'occurrence, Épicure prétend avoir démontré la vérité de l'épicurisme, comme les stoïciens prétendent avoir démontré la vérité du stoïcisme. Ce qui donne raison, bien sûr, aux sceptiques, puisque les deux écoles adverses sont l'une et l'autre certaines d'avoir raison. Ça prouve que leurs preuves sont quand même, pour le moins, fragiles. Alors, quant à l'opposition, donc, épicurisme-stoïcisme, ce sont les deux grandes écoles principales de l'époque hellénistique qui s'opposent presque en tout. Pour les épicuriens, ce sont des atomistes. Donc, tout ce qui existe, ce sont des atomes en nombre infini dans le vide infini. Pour les stoïciens, Il n'y a pas de vide du tout. Tout est plein. Pour les stoïciens, il n'existe qu'un seul monde, et ce monde est Dieu. Pour les épicuriens, il existe une infinité de mondes différents. Et aucun de ces mondes, évidemment, n'est Dieu. Le stoïcisme est un volontarisme. Il s'agit de réduire nos désirs à ce qui dépend de nous, et donc à ce qu'on peut faire, effectivement. Alors que l'épicurisme est au contraire un hédonisme. Il s'agit de se plier à la sagesse spontanée du corps, corrigé malgré tout par la prudence, la phronésie. Oui, c'est ça, il y a quand même un calcul. On en parlera tout à l'heure. Et ce que Montaigne montre génialement, c'est que ces deux écoles sont des écoles de sagesse outrancière, parce que on ne peut pas ne désirer que ce qui dépend de nous. Si votre enfant est malade, vous désirez inévitablement qu'il guérisse, et pas seulement de l'emmener chez le médecin. Bien sûr, vous l'emmenez chez le médecin, ça dépend de vous. Mais vous désirez follement qu'il guérisse. Autrement dit, vous avez follement peur qu'il ne guérisse pas. Et ça veut dire que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Ça veut dire qu'aucune mère, aucun père n'est capable d'ataraxie. En tout cas, à notre époque, je ne sais pas ce qu'étaient les pères du temps d'Épicure, ni même, on pourrait en parler, du temps de Montaigne. Et donc voilà, vous avez deux grandes écoles. Une école qui fonde tout sur la volonté, l'action, le courage, c'est le stoïcisme. Une école qui fonde tout sur le plaisir, la sérénité, l'amitié, parce que le plaisir pour Épicure, il se vit à plusieurs, c'est une grande école d'amitié. Et puis, il y a Montaigne qui montre que tout ça est fort beau, mais que ça ne marche pas, ou jamais complètement. Et que donc, il faut savoir tirer, et de l'épicurisme et du stoïcisme, des leçons de sagesse partielle, distanciée et sceptique. C'est très bien de lire et de méditer Épicure, il est dangereux d'y croire tout à fait. Et c'est pourquoi Montaigne, en tant que sceptique, est un admirable maître pour nous apprendre à lire et les épicuriens et les stoïciens qu'il admire follement les uns et les autres, mais sans être tout à fait dupe ni de leur dogmatisme, ni de ce qu'on pourrait appeler leur enthousiasme philosophique. D'autant que peut-être l'opposition entre stoïcisme et épicurisme est à nuancer, puisque si on met la volonté du côté des stoïciens, le plaisir du côté des épicuriens, c'est un peu réducteur, parce qu'Épicure lui-même prend soin, dans la lettre à Ménécée notamment, dénoncer les conditions auxquelles nous allons pouvoir jouir convenablement ou jouir autant que possible. Il y a une forme de morale et donc aussi de calcul rationnel à l'œuvre dans l'épicurisme. Vous avez parlé de l'importance de la prudence. Voici le texte dans lequel il énonce cette prudence. Peut-être y a-t-il une morale derrière le plaisir? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Quand nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des débauchés ni de ceux qui consistent dans les jouissances, mais du fait pour le corps de ne pas souffrir et pour l'âme de ne pas être troublée. En effet, ce n'est ni l'incessante succession des beuveries, ni les parties du plaisir, ni les jouissances que l'on trouve auprès des jeunes garçons et des femmes, ni celles que procurent les poissons et tous les autres mets qu'offre une table abondante qui rendent la vie agréable. C'est un raisonnement sobre qui pénètre les raisons de tout choix et de tout refus et qui rejette les opinions à partir desquelles une extrême confusion s'empare des âmes. Or, le principe de tout cela, et le plus grand bien, c'est la prudence. C'est pourquoi la prudence est plus respectable encore que la philosophie, car elle entraîne naturellement tout le reste des vertus, enseignant qu'il n'est pas possible de vivre de manière agréable sans vivre de manière prudente, belle et juste, pas plus qu'on ne peut vivre de manière prudente, belle et juste sans vivre de manière agréable. Car les vertus sont naturellement liées à la vie agréable, et la vie agréable en est inséparable. Dear Prudence, won't you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day. Open up your Avec la basse de McCartney, les Beatles sur France Culture, les chemins de la philosophie. On parle d'Épicure cette semaine, ce matin, du plaisir chez Épicure. André Comte-Sponville, on a compris que vous êtes plutôt Montaigne qu'Épicure. Vous êtes plus Beatles ou Stones ? Je suis beaucoup plus Beatles. Bon, ça tombe bien. Dear Prudence, c'est donc le titre de cette chanson. Prudence, c'était un chien, en fait, un hommage à cette chienne. Vous disiez que tous les êtres humains étaient des animaux. Eh bien, cette chanson risque d'aller dans ce sens. La prudence, c'est le terme clé du texte qu'on a entendu d'Épicure, un extrait de la lettre à Ménécée, lu par Georges Clès. Alors voilà, la prudence, on l'avait lu chez Aristote avant, qu'il a pour le coup dans son éthique à Nicomaque, et qui montre bien que l'éthique est aussi affaire de modération et donc de calcul. Chez Épicure, on ne peut pas dire que le plaisir soit roi et que ce soit lui qui conditionne la vie entièrement, puisque pour atteindre en fait ce plaisir, il faut quand même faire usage de sa raison ou d'une sorte de morale qui dicte un comportement à suivre, qui est donc la prudence. C'est une modération du plaisir, la prudence. Alors, d'abord, expliquons à nos auditeurs que prudence, pour ne pas prendre le mot en son sens moderne, qui est l'évitement ou les limitations des dangers. C'est la phronesis en grec, c'est la sagesse pratique, ce serait peut-être une traduction plus juste, qui procède d'Épicure par l'examen des avantages et des désavantages. Mais ce qui fait qu'Épicure reste hédoniste et non pas volontariste ou moraliste à la façon des stoïciens, c'est que les avantages et désavantages se comptent exclusivement en termes de plaisir ou de souffrance. Fumer, ce n'est pas mal moralement, comme peut dire un stoïcien, tu perds ta liberté, tu vas être dépendant. Pas du tout, Épicure s'en fout de ça. Ce n'est pas un problème de morale, c'est un problème de plaisir. Tu auras plus de souffrance au bout du compte que tu n'as de plaisir. Pareil pour la débauche, pareil pour l'alcoolisme, pareil pour la toxicomanie. Il n'y a pas de mauvais plaisir. Mais vous avez raison, la volonté doit choisir entre les plaisirs, mais au nom du plaisir et pas au nom de la vertu. Et c'est pourquoi peut-être celui qui... parce que c'est un génie absolu qui a le mieux compris l'opposition entre les épicuriens et les stoïciens, et il a du mérite, parce qu'il avait quand même, lui, très, très peu de textes, c'est Emmanuel Kant, qui montre génialement, je crois que dans la critique de la raison pratique... Qu'on ne qualifie pas d'épicurien, généralement. Que ce qu'il y a de commun à l'épicurisme et au stoïcisme, c'est que ce sont deux théories du souverain bien. Alors c'est quoi le souverain bien dans la terminologie de Kant ? C'est la conjonction exacte du bonheur et de la vertu. Avoir le bonheur sans la vertu, c'est bien, mais c'est pas le souverain bien. Avoir la vertu sans le bonheur, c'est bien, mais c'est pas le souverain bien, parce que le souverain bien, c'est les deux ensemble, les deux réunis. Et la seule différence entre épicurisme et stoïcisme, écrit génialement Kant, c'est que pour les stoïciens, la vertu, c'est le bonheur. Pour les épicuriens, le bonheur, c'est la vertu. Ce qui, en un sens, change tout, en un autre sens, ne change pas l'essentiel, parce que les deux sont convaincus que ce souverain bien, cette conjonction exacte du bonheur et de la vertu, c'est possible. Et Kant, comme Montaigne, répond simplement, eh bien voilà, non. Ce n'est pas possible, ou peut-être après la mort. C'est l'un des postulats de la raison pratique, que peut-être après la mort, il y aura cette conjonction, cette proportion exacte du bonheur et de la vertu, dit Kant, mais en tout cas, dans cette vie-ci, c'est résolument impossible. Et je dirais que c'est ici, quand Kant porte cette espèce de diagnostic de décès du souverain bien, mais Montaigne l'avait fait en lui, c'est ici que la modernité commence en nous séparant du bonheur. Oui, et en reconcevant ce qu'est la raison, parce qu'au fond, il y a une forme, on appellerait ça aujourd'hui, d'optimisme rationnel à l'époque d'Épicure et des stoïciens, qui n'est plus de mise autant de Montaigne ni autant de Kant. Là, j'aurai un peu de mal à vous suivre, parce que il y a une forme de confiance en la raison, surtout chez les stoïciens. D'optimisme, en tout cas chez Épicure, je ne crois pas, d'abord parce que l'époque pousse peu à l'optimisme. Encore une fois, c'est la décomposition de l'Empire d'Alexandre. Non, mais oui, Athènes, je parlais uniquement de l'exercice de la raison. Athènes a perdu sa liberté, sa souveraineté. C'est devenu quelque chose qui vit dans la nostalgie du passé. Et donc, il n'y a pas de raison pour un grec de cette époque-là d'être optimiste. Par contre, oui, il y a une grande confiance en la raison, encore plus grande chez les stoïciens que chez les épicuriens. Mais je veux dire, alors que pour le coup, cette confiance, il faut la garder. C'est-à-dire que ce rationalisme, l'idée que la lucidité vaut mieux que l'illusion, que la raison vaut mieux que le délire ou la superstition, j'espère bien qu'il y a encore des gens qui y croient aujourd'hui. En tout cas, je fais partie de ceux-là. Alors, si être rationaliste, c'est ça, or c'est l'un des sens du mot, avoir confiance en la raison et préférer la raison à la déraison, alors de grâce, soyons résolument rationalistes. Mais c'est toute la question, en fait. Est-ce que le rationalisme a encore bonne presse dans la modernité et encore aujourd'hui, justement, parce qu'on a tellement limité l'exercice de la raison ? Alors, peut-être pas chez tel ou tel chrétien, bien dans des réseaux sociaux, mais oui, si on comprend bien ce qu'est le rationalisme. Tu vois un article de Michel Pollack, il y a des années, Michel Pollack, à qui je dois beaucoup et que j'aimais vraiment beaucoup, qui est mort maintenant, mais dans un article de Charlie Hebdo, il citait l'un de mes livres, il dit « Comte Sponville dit que tout est que le réel est rationnel et que le rationnel est réel », reprenant une formule en l'occurrence de Hegel, mais peu importe. Donc je fais l'état de mon rationalisme. Et Michel Pollack écrivait « On ne peut plus dire ça aujourd'hui après Freud et la mécanique quantique ». Mais considérable contresens et sur Freud et sur la mécanique quantique, parce que s'il y a un auteur qui est rationaliste, c'est bien Freud. Mm-hmm. Il montre certes que l'inconscient ne procède pas raisonnablement. C'est pas la raison qui guide l'inconscient. Mais il montre aussi que l'inconscient est rationnel. Sinon, la psychanalyse serait impossible. La mécanique quantique, de même, c'est pas une défaite de la raison. C'est une formidable victoire de la raison. Et donc, parfois, les gens croient qu'être rationaliste, c'est croire que tout est simple, que la raison du premier degré, du premier genre, pourra tout expliquer. Bien sûr que non. Simplement, être rationaliste, c'est penser que la raison est une meilleure arme pour comprendre le réel que l'illusion, la foi ou la superstition. Ça ne veut pas dire que la raison est infinie, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, qu'on comprend tout. Par définition, il y a toujours beaucoup plus de choses qu'on ne comprend pas que de choses qu'on comprend. Pour une raison simple, c'est que les choses qu'on comprend sont en nombre fini, les choses qu'on ne comprend pas sont en nombre infini. Mais malgré tout, on en comprend de plus en plus. Et je trouve paradoxal et lamentable qu'en une époque de victoire scientifique, comme jamais, jamais les sciences n'ont autant progressé que ces 100 dernières années, si vous voulez. Les gens se mettent à douter de la raison alors qu'elle n'a jamais été aussi forte ou aussi triomphante. Mais bien sûr, il reste une infinité de choses que nous ne comprenons pas. Ça n'est pas une raison pour en avoir peur. Et on retrouve ici Épicure, au fond, une fois que tu as compris l'essentiel, à savoir quoi ? Qu'il n'y a que des atomes et du vide, qu'il n'y a pas de Dieu à craindre, qu'il n'y a pas de fantômes, qu'il n'y a rien à craindre de la mort, alors tu peux profiter tranquillement de cette vie-ci. Bref, ce que tu ne comprends pas n'est pas plus effrayant que ce que tu comprends. Profiter tranquillement de cette vie-ci brève, n'est-ce pas ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse ? La sobriété heureuse, pour moi, c'est avant tout la voie de la libération. C'est-à-dire que nous sommes tous impliqués dans une société qui nous dit « vous n'avez jamais assez ». C'est-à-dire que je pourrais dire c'est une dynamique de la frustration qui est orchestrée de telle façon qu'elle est subliminale. C'est-à-dire qu'elle atteint l'être humain dans ses représentations. Et qu'est-ce qu'on dit à l'être humain dans ses représentations ? Eh ben, tu n'as pas assez, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu serais mieux si tu avais une plus jolie bagnole, on te regarderait mieux, etc., etc. Donc, elle prend l'être humain par sa subjectivité et avec une manipulation machiavélique, finalement, qui fait croire à l'être humain ben, qu'il est misérable. Alors que la sobriété, c'est la façon de dire, lutter contre un système tel qu'il est, ben, c'est très difficile. Par contre, il y a une chose que j'adopte parce que j'y trouve véritablement du bonheur et de la légèreté, c'est la sobriété. Elle est légère. Oui. On n'est plus dans un toujours plus et de l'insatisfaction. Parce que ce qui est frappant dans notre monde hyper riche, c'est qu'il y a abondance et insatisfaction à la fois. Pierre Rabhi, c'était le 4 septembre 2010 au micro de France Inter. La sobriété heureuse, André Comte-Sponville, c'est un contresens par rapport à Épicure ou un héritage fidèle ? Non, enfin, je ne sais pas si Pierre Rabhi pensait à Épicure, mais en tout cas, le fait est que Épicure est peut-être le premier théoricien à avoir à ce point accordé de l'importance à cette notion donc, que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, qui en grec se disait autarkeia, autarcie, indépendance. C'est-à-dire ne pas avoir besoin de toutes ces choses qui ne dépendent pas de nous, pour parler comme les stoïciens, pas besoin d'argent, pas besoin de gloire, pas besoin de pouvoir. Occupe-toi de ton ventre, comme disait parfois Épicure, et d'un ventre qui n'a pas besoin de caviar ou de gigot, qui se contente de pain, d'eau, de très peu de choses. Et donc, il s'agit de jouir le plus possible en désirant le moins possible, ou plutôt en désirant le moins possible de choses différentes. Voyez. Et donc, c'est très exactement la sobriété heureuse. D'ailleurs, j'étais content d'écouter Pierre Rabhi sur ce thème, parce que j'y m'étais avec quelquefois ces dernières années, de dire, voilà, ce qu'Épicure appelle l'autarcie, l'autosuffisance, l'indépendance, sera peut-être la meilleure traduction. C'est exactement l'équivalent de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, et très exactement le contraire de notre société de consommation. Oui. C'est le contraire du toujours plus. Voilà, plutôt que d'en vouloir toujours plus, essaye plutôt d'en désirer de moins en moins, non pas du tout par goût de la souffrance ou de l'ascétisme pour l'ascétisme, mais parce que ton plaisir sera d'autant plus intense qu'il... Le plaisir de manger est beaucoup plus grand quand on a vraiment faim que de se gaver de nourriture chère et indigeste, voyez. Et donc, c'est aussi un calcul de la prudence pour jouir le plus possible. il importe de jouir au maximum d'un minimum de choses. Éthique minimaliste, on pourrait dire ? Maximaliste dans ses ambitions et minimaliste dans ses objets. Voilà. Et c'est ça le paradoxe, ça n'est pas un hédonisme ascétique, mais c'est un hédonisme à la fois maximaliste quant à ses ambitions et minimaliste quant aux objets de désir qu'il retient, les fameux désirs naturels et nécessaires. Vous disiez c'est incompatible avec la société de consommation, c'est même avec la société tout court, non ? Parce que tout ce que l'on dit là laisse penser qu'il est très difficile pour un épicurien de vivre avec d'autres personnes. Non, au contraire, puisqu'il vit dans son jardin avec ses amis. L'épicurisme est sans doute la philosophie qui a fait de l'amitié la plus grande vertu. De tous les biens que la sagesse nous procure, écrit Épicure, de tous les biens que la sagesse nous procure, le plus grand de très loin est l'amitié. Et par ailleurs, il vivait non pas à Athènes même, dans la périphérie d'Athènes. Le jardin d'Épicure, c'est un peu entre la ville et la campagne, vous voyez, les faubourgs d'Athènes. Il ne prétend pas du tout, n'est pas un anachorète. Vous voyez, il jouit de la société, il venait à Épicure, il allait éventuellement acheter son pain et son poisson au marché. Simplement, il n'en dépendait pas. Et c'est ça le principe d'autarkia, l'autosuffisance, l'indépendance, c'est le contraire de la société de consommation et des esclavages qu'elle engendre. Merci André Comte-Sponville, on continue cette discussion autour d'Épicure. Demain, avec Pierre-Marie Morel, on parlera de la mort, de vous. On peut lire notamment le dernier cahier de Lerne qui vous est consacré, Penser sa vie, vivre sa pensée. Cahier de Lerne donc, avec le titre, votre nom, Comte-Sponville, c'est classe. Se sauve que le ciel azuré, vire au mauve, penser ou passer à autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dit qu'il y a mauvais, the rainbow, toujours plus haut, le soleil above, radieux. Crois en Dieu, crois en Dieu, même quand tout nous semble odieux. Notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve comme une petite souris dans un coin d'alcôve. Apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above. Adieu. Crois aux cieux, crois aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. Avoir parfois envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Bonheur de peur qui ne se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, est-ce un calcul épicurien ou pas ? Je vous laisse méditer sur cette chanson en compagnie de Jane Birkin et en accueillant Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors Géraldine, pardonnez-moi cette indiscrétion, mais vous avez déménagé semaine dernière et ça vous turlupine. Et oui, et quand j'ai annoncé que je déménageais, on m'a répondu que c'était un des plus grands traumatismes de l'existence, avec bien sûr le deuil et l'accouchement. J'ai trouvé ça un peu excessif, mais c'est vrai que même la fatigue passée, même les cartons déballés et les meubles replacés, et le quartier un tout petit peu appréhendé, a persisté une forme d'étrangeté. Alors je me suis demandé à quel moment on retrouvait cette sensation d'être chez soi. D'où ma question aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'être chez soi ? À quoi se mesure la sensation d'être chez soi. C'est assez évident que déménager n'est pas qu'une question de meubles. S'il suffisait de reposer son canapé pour se sentir à l'aise, personne ne m'aurait jamais dit que déménager était un événement traumatique. C'est fou d'ailleurs comme les meubles chargés d'usages et de souvenirs se défont vite du passé sans état d'âme. Cette étagère qui me servait de bibliothèque et que j'ai donnée à un ami est devenue chez lui un meuble d'enfant où des couches sont exposées et des jouets éparpillés. Il ne reste rien des milliers de pages qu'elle avait supportées chez moi. Même chose avec cette commode où je posais mes tasses de café, même les cercles noircis de la boisson n'ont pas empêché mes vêtements de venir s'y accumuler dans un autre appartement. Pourtant, je dois dire que je suis toujours contente d'apercevoir cette étagère, même envahie par des couches, et que j'ai toujours un petit sourire en redécouvrant ces traces de café sous un t-shirt. Même si déménager n'est pas qu'une question d'immobilier et de mobilier, l'espace et les meubles supportent quand même notre quotidien. Ils le cadrent, ils lui donnent des contours. Alors à quel moment deviennent-ils plus qu'une étagère, qu'une table ou autre? Y a-t-il un aménagement spécifique, idéal, pour qu'un lieu devienne plus qu'un logement, une maison en tant que telle, que l'on habite, où l'on se sent protégé, à l'abri, où l'on peut circuler les yeux fermés? Home, sweet home, my home, sweet home, no matter what part of the world I roam, I'll always remember my home. A land where riches alone don't count, who has the ability the ladder will mount and undoubtedly attain the highest degree in this fair land of La Trinity, so darling. Home, sweet home. Pour se sentir chez soi, il n'y a donc pas que des questions uniquement spatiales et matérielles. Le lit placé la tête au nord, de la place, une étagère sans couche. Ce n'est pas nouveau, tout le monde sait que prendre possession des lieux, se les approprier, c'est aussi une question de temps. Mais quel est alors le temps défini, nécessaire pour se sentir chez soi? Y a-t-il un délai obligatoire? Combien de temps me faudra-t-il pour reconstituer un quotidien, pour que soient recouvertes les traces de café sur un meuble, ses usages passés, ses souvenirs, pour que des gestes deviennent presque automatiques, là l'interrupteur, là les assiettes, là les prises, pour que des trajets deviennent des sentiers battus, de la chambre à la salle de bain, de la cuisine au salon, pour que je m'habitue à des failles, une poignée cassée que je ne réparerai jamais, un volet coincé, le bruit des voisins. Et est-ce une question de temps seulement? Eh bien ça me semble trop facile parce qu'alors il suffirait que j'attende pour que mon quotidien reprennent forme. Je suis face à une impasse. Qu'est-ce qu'être chez soi si bizarrement ce n'est pas qu'une affaire d'espace et de temps? Comment comprendre qu'être à l'aise quelque part, sur une période donnée, ce n'est pas qu'une affaire d'espace et de temps? Voilà donc ma question. De quoi est fait un chez soi? Est-ce que je peux le créer? Ou est-ce qu'il advient? Et comment, malgré moi ou grâce à moi, consciemment ou inconsciemment? Le chez-soi excède largement le cadre spatio-temporel. Il n'est pas visible, mais il n'est pas absent. Il est palpable, mais intangible. En fait, je crois qu'on se sent chez soi, mais on ne peut pas le désigner, on ne peut pas le faire résider en un objet, en une habitude. Je dirais même que le chez-soi se situe précisément entre les objets, entre les gestes quotidiens. Il est paradoxalement sans lieu, il enrobe les lieux. En fait, il a quelque chose de l'air du temps, de ce nom bien trop employé aujourd'hui, de ressenti. Il y a quelque chose de l'atmosphère. Et c'est une interrogation que j'ai souvent eue, c'est quoi l'atmosphère? Eh bien, c'est une autre question et peut-être aurais-je la réponse en trouvant mon chez-moi. Merci Géraldine, donc bienvenue chez vous. Merci. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Jules Barbier qui était en stage avec nous depuis le mois de septembre et qui nous a quittés. Merci Jules et à bientôt j'espère. Bienvenue à Clara de Giovanni qui le remplace à partir de cette semaine. L'équipe des Chemins c'est aussi Isis Jourda, Manon de Lasselle qui a préparé cette émission. Vous-même Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, mais aussi Anaïs Isbert. Thomas Beau qui a réalisé pour vous cette semaine avec Nicolas Berger. Inès de Bruyne qui est à la prise de son ce matin. Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Épicure. Demain, on sera en compagnie de Pierre-Marie Morel et on se posera une question. Est-il bien raisonnable d'avoir peur de la mort? D'ici là, pour réécouter cette émission, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous attendons vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.